Le 14 octobre, selon le journal d'Internet sud-coréen La Voix de Séoul, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires a publié une déclaration en signe de protestation contre la servilité des autorités qui insulte les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. Par ailleurs, on lit de plus en plus nombreux articles sur Internet qui accusent les autorités de l'application de l'accord sans prêter l'attention à la voix des victimes et des formations civiles et sociales qui exigent des excuses et compensations pour le crime d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.